Le théâtre au XVIIIe siècle. Pour vous donner un aperçu du théâtre au XVIIIe siècle, je vais vous présenter des extraits de trois comédies. D'abord, Le jeu de l'amour et du hasard, de Marivaux. Ensuite, Le barbier de Séville et Le mariage de Figaro, de Beaumarchais.